Assis sur un banc, bercé par une douce musique et étant face au coucher du soleil, tombant tout doucement, celui-ci éclairant mon visage de sa lueur teintée d'une nuance orangée. Le ciel bleu sans un seul nuage, les champs brillant devant mes yeux ébahis, par une beauté naturelle qui est commune, certes, mais dont on finit par ne plus faire attention, alors qu'en prenant un instant, celle-ci brille par sa beauté et par la singularité du moment qui n'appartient à personne d'autre. Inimitable, ce moment si simple et accessible est une véritable bouffée d'air frais dans un quotidien qui défile si vite. La douce brise, les arbres, l'herbe, les petits insectes, les fleurs, l'eau derrière moi qui suit un léger courant et qui offre une vue splendide avec le coucher du soleil. Tous ces petits détails, comme le bruit des oiseaux qui s'entendent au travers de la musique, le canard seul nageant et vivant sa vie, sans se soucier de mon regard, ignorant tout de mes pensées et ou encore de ma présence. La sensation du bois sur lequel je suis assis, les branches bougeant au rythme calme imposé par la brise. Qu'il est bon de contempler la vie animale et végétale, de voir le monde sous un regard apaisé, ne voulant qu'une chose, que le temps s'arrête pour rester là sur ce banc, à admirer la beauté sous sa plus belle forme. Posant mes yeux sur ma feuille et mon crayon, les mots vinrent avec une telle facilité. L'envie de retranscrire ce moment, l'envie de le partager avec quiconque sera prêt à l'écouter. Pris dans un élan créatif, chaque fois que mon crayon touche la feuille, le sentiment de calme et de joie se mélange à cette passion que d'écrire sur cette sensation, d'être complet et sans problème. Seul, sans réellement l'être, accompagné par toute cette vie autour de moi, cette trépidante fusion entre mon monde et celui qui se présente à moi, la solitude n'étant pas conviée. Alors que je me lève de ce tronc qui fait office de banc, mes pas sur l'herbe, j'entreprends un tour autour de l'étang pour prolonger ce moment, alors que la douceur du coucher du soleil s'estompe progressivement et laisse entrer la fraîcheur de la soirée. Les arbres m'entourent de leur grandeur, les oiseaux communiquant entre eux, alors que le chemin me mène vers la fin de mon voyage spirituel. Je longe une petite rivière, reflétant les arbres. Je continue mon avancée. Je pose un dernier regard en arrière, remerciant un simple étang pour une pause et un séjour qui valait chaque minute passée. Évidemment, alors que les derniers rayons du soleil se posent sur moi, se frayant passage au travers du feuillage, je ne peux nier le fait que j'ai de la chance de pouvoir admirer ce spectacle aussi souvent que je le souhaite, n'habitant pas loin. Pourtant, il aura fallu un certain laps de temps avant que je ne me décide à venir en ce lieu. Alors que je finis ma promenade, reposé et heureux, j'écris cette dernière phrase. Garde tes yeux ouverts à tout ce qui t'entoure, car même dans le quotidien le plus anodin, il existe de la beauté insoupçonnée et pourtant bien présente. Et n'attendant qu'une chose, que tu la vois.